final peu à peu sacrifié en cité sensible. Adieu mes remparts, salut mes gargouilles, je me laisse au cou. Yeah!